بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في درس الخامس والخمسين. سكون سكيم لسون. في السؤال الخامس وثلاثين بعد ثلاثمائة. تواصل خمسكيم كيستيون. قال المؤلف حفظه الله تعالى: من أين تفجر أنهار الجنة؟ دونك يقول دو جاجيس لي فلوف دو بارادي. كاردي أدلة ديمونت كو دون لو بارادي لا دي فلوف. Différents fleuves. Qala min al-Firdaus. Il vient du Firdaus. Et la preuve, c'est le hadith d'Abu Huraira, qu'a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Sa'altum Allah, fas'aluhu al-Firdaus, fa'innahu awsat al-Jannah, wa a'la al-Jannah, wa fawqahu 'arsh ar-Rahman, wa minhu tafajjaru anhar al-Jannah. Rawahu al-Bukhari. Donc il dit que si jamais vous demandez à Allah, c'est-à-dire par rapport au paradis, alors demandez-lui le Jannah, demandez-lui le Firdaus. Car c'est le centre du paradis et le niveau le plus élevé du paradis. Et au-dessus du Firdaus se trouve le Arsh, le trône du Rahman. Comme on avait cité dans le Dinders, que le Jannah est au plus haut degré, est au plus haut du 7e ciel, mais qui n'est pas au-dessus du trône, il est en dessous du trône. Et c'est de là, du Firdaus, que jaillissent les fleuves du paradis. ثم قال في سؤال السادس وثلاثين بعد ثلاثمائة 336 question. أذكر أسماء بعض أنهار الجنة من أنهار الدنيا. Donc il a dit maintenant, cite certains noms des fleuves qui sont paradis parmi ceux que l'on trouve dans la dunya. قال في الجواب سيحان جيحان النيل والفرات. Donc c'est quatre nom de Jannah, plutôt de fleuves, sont des fleuves qui sont au paradis, dont deux sont vus et d'autres ne le sont pas. Et le dalil, c'est le hadith d'Abu Huraira, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sayhan, wa Jayhan, wa al-Furat, wa al-Nil, kullun min anhar Jannah. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que Sayhan et Jayhan, qui sont deux fleuves qui sortent au paradis et dont on ne connaît pas vraiment la source en cette dunya, et le Nil et le Frat. Donc c'est le Frat ou le Tigre, je crois que c'est le Frat, qui eux sont présents en cette dunya. Le Nil, il est connu. D'accord. Et les gens se disent comment ce fleuve qui est actuellement ce bas monde puisse venir de Jannah. C'est des choses qui touchent à l'invisible, qu'on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas la réalité, seulement on a des preuves qui nous le disent, que le Nil vient de Jannah. Rapporté par Muslim. قال في السؤال السابع والثلاثين بعد ثلاثمائة 337 question. ما هي الأنهار التي في الجنة؟ Quels sont les autres fleuves qui sont également au paradis؟ Qu'il n'y a pas que ces quatre-là, il y en a d'autres. قال في الجواب أنهار من ماء غير آسن ونهار من عسل مصفى ونهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من لبن لا يتغير طعمه. Donc il a dit des fleuves dont l'eau ne devient pas malodorante. Des fleuves dont l'eau, ou plutôt des fleuves de miel pur, des fleuves d'alcool délicieux à boire pour ceux qui s'en abreuvent. Et bien sûr, l'alcool qui aura lieu en l'au-delà n'est pas comme celui de ce bas monde. Comme Allah Ta'ala, Al-Musaddar, qui ne donne pas de migraine ni un autre. Et également des fleuves de lait dont le goût ne s'avarie pas. والدليل قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آنس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى لهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم. Donc le verset cite ce qu'on vient de dire à l'instant, qu'il y a dans le paradis, exemple du paradis qui a été préparé pour les gens pieux, s'y trouvent des fleuves. D'accord. Et à la fin, il cita, ils auront toute forme de fruits, ainsi qu'un pardon de leur Seigneur. Sourate Mohammed, verset 15. Fuma qala fi su'al al-thamin wa thalathin ba'd thalathmiya. 338e question. Ma huwa al-kawthar? Qu'est-ce que al-kawthar? Qala fi al-jawab. Nahrun fi al-jannati lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un fleuve qui se trouve au paradis, qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ad-dalilu wa hadith Anas ibn Malik رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الكوثر؟ savez-vous donc qu'est-ce que le kawthar? فقلنا الله ورسوله أعلم. Il dit, Allah est son messager son plus savant. Il dit, فإنه نار هن وعدنه ربي عز وجل وعلي خير كثير ووحود تريد علي أمتي يوم القيامة. Il a dit, c'est un fleuve que Allah m'a promis, que mon Seigneur m'a promis, qui contient beaucoup de biens. Et il est le bassin auquel sont exposées ma communauté le jour de la résurrection. Wal hadith rawahu Muslim. نعم ثم قال في السؤال التاسع وثلاثين بعد ثلاثمية 339 question أين يصب الكوثر où se déverse le كوثر قال في حوض النبي صلى الله عليه وسلم ce fleuve qui est au paradis s'appelle le كوثر se déverse dans le bassin du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم dont nous avons déjà parlé ثم قال في السؤال 340 question Alif al-Janna maut. Est-ce qu'il y aura une mort au paradis? Est-ce que les gens qui entrent au paradis finiront par mourir? Qala la, laysa fil janna maut. Il n'y a pas de mort au paradis. Et également en enfer, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Pour ceux qui entreront éternellement. Wa dalil hadith Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'ta bil maut ka hayati kabsh amlah. وفيه يذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود ولا موت الحديث متفق عليه conviendra avec la mort une fois que tout le monde sera rentré au paradis et en enfer et aura pris sa place on lui apportera un mouton dont la laine est noire et blanche il sera égorgé et ce mouton là représente la mort d'accord ça représente la mort et il sera dit Ô gens du paradis, éternité, plus de mort. Ô vous, gens du feu, éternité, plus de mort. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui seront au paradis, bien évidemment. Et une chose effroyable pour ceux qui seront en enfer, de leur dire que là où tu seras, tu ne sortiras plus jamais. Wa li'az billah. Nas'alallah yahfazana wa iyyakum min an-nar. Naam. Fahada al-lazi haza al-yawm fi hada al-dars al-qasir. Wa bi hada al-qadr naktafi wa alhamdulillah rabbil alamin.